Retire ou nan sosyete Lò bwen de nou kay Men li ankon plu mye Lò bwen nan la ru La polis mette pie Nou bon bon kubite Li bagen dwa mechon El fin kwen li sou Li tan kou yon ti moun piti Le jen fini kler Li mante ki moun ki meneni Mwen di se kosper Mwen te wek ta mwen yave Société, l'obwen de nos cailles, mais dit encore plus mieux. L'obwen dans la rue, la police met tes pieds. L'obwen de nos cailles, il va qu'un doigt méchant. Les filles quoi dissous, il t'en couillon du monde piti. Les yeux finis clairs, il m'a dit qu'il m'a dit menéni. Moi dis c'est prospère, moi dis ouais ta poêle à mer. Même si pas à tabac ou non cuit, encore plus mieux. Affaire clair et son paquet à faire. Nous, nous, qui jeunes garçons qui marchent pour éclairer, sont capables dans bonnes conditions. À la minute que vous prenez dans mauvaises conditions, il n'y a pas de l'autre côté pour le mener. Vous apprêtez comme ça tout bonnement. Vous êtes en droit de vin gros. Petit dada ou à vin plata. Petit coup à vin fin. Tête ou à vin gros. Chevaux commencent à vin soir. Tissé folle commence à vin carré. S'entendez, ou bon pour sana. Ça c'est l'air ou à brel dans mauvaises conditions. Mais là, pour quoi vous bien? C'est l'entendre bien manger ou bien baigner. L'op dormi pinez pas mandé ou. L'op chita nou fauteuil. N'importe moun ka passe le gen pou di oh oh. Gade quoi son bache. Ah non, ça c'est l'op ouè bien. Yon groupe jage nan kalye son pan pharmacie nan portal Léogane. Après médicament ou pas t'y fait. Mais docteur presque nous dit, les pour prendre médicament, toujours prendre bâti cuillerie. Mais n'est-ce pas ça, c'est pas ça, vous faites. Vous prenez un petit verre bois de vous, petit verre main sous côté de vous, petit verre machin de pistache. Très peu, mais très souvent.